Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui sont arrivés un peu après le démarrage. Je vous présente toutes mes condoléances pour les difficultés du RER. Enfin, c'est assez habituel, mais toujours un peu difficile. Je voulais vous dire aussi le grand plaisir que j'ai pris d'abord à préparer cette journée et que j'ai à vous accueillir, si je puis dire, parce que je ne suis pas du tout chez moi ici aujourd'hui. Et juste introduire, donc, comme l'a annoncé Charles-François tout à l'heure, quelques idées sur la médiatisation de l'écologie. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que je vois qu'il y a un micro. A priori, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais non, c'est bon. Alors donc, médiatisation de l'écologie, disais-je, ou démédiatisation d'ailleurs. Si nous avons voulu organiser cette journée, Charles-François Matisse donc, et moi-même, c'est parce que nous avons constaté que c'est un sujet qui est encore peu étudié par les historiens. Or, c'est bien en tant qu'historien que nous avons conçu la chose, alors que c'est un sujet bien plus examiné par les sociologues, et encore davantage peut-être, mais là je ne veux pas créer de tension entre les disciplines, par les représentants de l'information communication. Mais quand on regarde par exemple l'histoire générale de la presse française, qui est la somme, la référence canonique des historiens des médias ou de la presse, et histoire générale de la presse française qui achève sa parution au milieu des années 70, on ne trouve rien, aucune mention de cette presse écolo, ce qui montre que l'essor de cette presse n'a pas du tout été perçu par les rédacteurs de l'histoire générale de la presse française. Alors je voudrais quand même rappeler, signaler quelques travaux en cours au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui sont réalisés pour la plupart sous la houlette de Christian Delporte, qui est à peu près, donc à ce jour, un des seuls, soyons prudents, historiens à s'être emparé de la question. Donc cette journée va nous permettre, je l'espère, de faire un peu avancer les choses. Je voulais vous soumettre rapidement, pour introduire le débat de ce jour, ce qui nous a paru être, à Charles-François Matisse, donc à moi-même, quatre axes qui pourront servir de cadre à notre réflexion, mais naturellement, ça n'a rien d'impératif, évidemment. Quatre axes avec une première interrogation qui me semble fondamentale autour de ce que médiatiser veut dire, une deuxième qui concerne les conditions dans lesquelles cette médiatisation s'est mise en place et sa chronologie, ça c'est évidemment toute l'obsession des historiens, hein. Une troisième sur la manière dont s'opère le recours à une opinion publique souvent insaisissable, mais cette opinion, la question de cette opinion publique est évidemment centrale, et puis enfin un quatrième axe, mais il s'agit bien de questions, hein. Un quatrième axe qui concerne le travail des acteurs de cette médiatisation et bien sûr l'efficacité sociale et politique de leur message. Alors, rapidement, pour revenir sur ce que médiatiser veut dire, c'est une question qui s'impose d'abord parce que les journalistes de l'écologie sont diversement considérés, quand on lit les études scientifiques sur la question, soit comme des observateurs, soit comme des acteurs. Et il me semble que cette disparité a le mérite de poser, de mettre en relief immédiatement toute l'ambiguïté de la question de la médiatisation, parce que, évidemment, médiatiser, ça n'est pas seulement transmettre une information. Chacun a bien conscience que, même quand, qui n'est pas professionnel, hein, qu'il y a une opération de tri, qu'il y a une opération de mise en récit dans la médiatisation, de mise en image, et que donc médiatiser, c'est bien transformer, produire quelque chose de nouveau. Donc, les journalistes ne sont pas que des observateurs, même s'ils ne se réclament pas du militantisme. Je renvoie d'ailleurs aux remarques que fait Jean-Luc Burguindet sur son blog à propos d'Hervé Kempf, qui était fondateur donc de la revue Reporter, et il dit « Allez, Kempf, lâche-toi un peu, que tu le veuilles ou non, tu es un militant écolo, il faut y faire, même journaliste, c'est ta réalité, assume. » J'ai trouvé cette injonction amusante et révélatrice justement de cette tension. De cette tension ou de cette aporie, Donc, que constitue la figure du journaliste militant. Et pour en sortir, on peut peut-être se référer à la typologie réalisée par Géraldine Mühlmann dans son livre de 2004, qui s'appelait « Du journalisme en démocratie ». Géraldine Mühlmann, qui est donc une spécialiste des médias, pas du tout de l'écologie, hein, distinguait le journaliste flâneur, observateur et témoin, qui crée un espace de visibilité critique mais partagé, du journaliste en lutte, et il y a des guillemets, hein, qui lui produit un conflit en désignant un « e », mais qui intègre aussi, qui institue du commun parce qu'il définit, contre ce « e », un « nous ». Et cette distinction, je la trouve intéressante, on l'utilise ou pas, mais elle éveille des choses qui me semblent intéressantes, et elle permet d'appréhender donc la manière dont les acteurs des médias sont parvenus à constituer des publics rassemblés et ou conflictuels en les mobilisant par des postures journalistiques assez différentes. Alors ces postures imposent aussi, ou impliquent, des types de communication différents. La presse alternative des années 70, on le sait, est faite par des non-professionnels. Plutôt, elle se réclame donc davantage d'une communication horizontale. Il suffit de voir l'intervention des lecteurs hein, dans ces journaux, par le courrier des lecteurs, par les petites annonces. Et donc, elle établit, ou elle feint d'établir, c'est toujours le problème, un lien entre le producteur du message et le récepteur. Donc, elle crée... Il y a une interaction entre le journal et sa communauté de lecteurs, interaction qui donne plus de force d'ailleurs à la mise en question de la légitimité de l'autre discours médiatique, le discours médiatique dénoncé comme dominant et qui se trouve de ce fait confronté à la critique et à la discussion. Et puis, à côté de ça, il y a donc la presse généraliste, mais c'est vrai aussi évidemment pour les médias audiovisuels, qui, elle, pratique une communication plus verticale, hein, du haut vers le bas, si l'on veut, en raison même de son professionnalisme et ou de la neutralité dont se réclament souvent ces journalistes. On peut aussi convoquer une autre typologie, je pensais à celle mise en place par Serge Moscovici, il y a déjà bien longtemps, qui distinguait trois grands types de communication. La diffusion, qui a pour finalité de répandre un contenu d'intérêt général. La propagande, qui fait œuvre de mission et de conquête, et puis la propagation qui s'adresse à un groupe particulier, caractérisé par des valeurs spécifiques, une hiérarchie et une histoire propre. Typologie dans laquelle on... La différence entre diffusion et propagation, c'est la propagation se fait toute seule. La propagation se fait toute seule, surtout ça s'adresse quand même à un groupe qui est plus caractérisé que la diffusion, qui est très, très, très générale. Et on voit que d'ailleurs dans cette typologie, on pourrait faire rentrer à peu près tous les journaux qui vont nous intéresser, dont nous allons parler aujourd'hui. Bon, mais j'arrête là avec ce que médiatiser veut dire pour passer au deuxième point que je voulais aborder rapidement, la question de la chronologie. Quand on regarde rapidement, en surplombant un peu la question, on croit déceler quatre tournants, mais je crois qu'on avancera sur ces tournants aujourd'hui. Un premier qui est celui de la fin du XIXe siècle, qui est certainement un moment très important, puisque ce moment conjugue quatre facteurs d'une évolution absolument majeure. D'une part, la progression de l'alphabétisation, qui est presque totalement achevée avant la Grande Guerre, mais qui était déjà bien engagée avant même les lois Ferry, on le sait. D'autre part, l'élargissement du corps électoral et la démocratisation, le suffrage universel en 1948, la loi sur la liberté de la presse en 1881 qui est fondamentale, et puis un peu plus tard quand même, l'élargissement du suffrage universel aux femmes hein, en 1945. Autre facteur, l'urbanisation évidemment et le développement des circuits de communication. Et puis le dernier qui est moins souvent invoqué, c'est, mais qui résulte peut-être aussi en partie de ce que je viens de dire, hein, qui concerne le changement des sensibilités. C'est une hypothèse que je vous soumets à des temps qui ne m'est pas propre, hein, à des temps pacifiés donc, et civilisés, donc la fin du XIXe siècle, hein, correspondrait à un affinement des sensibilités et une modification dans la hiérarchie des sens au profit de la vue. Alain Corbin, dans son étude sur le paysage, évoque ce nouveau sens scopique inauguré au XIXe siècle, qui est lié, dit-il, à la vitesse accrue des déplacements, donc les communications que j'évoquais, hein, aux modifications de l'éclairage. On se met à voir autrement, hein, forcément, au développement de la photographie, et puis au XXe siècle, les vues d'avion, mais peut-être aussi et surtout d'ailleurs le cinéma, la télévision, apprennent aux individus à regarder autrement. Et on sait que la vue de la Terre prise de l'espace par la mission Apollo 8 en 1968 a joué un rôle central dans la prise de conscience par le public de la fragilité de notre planète et de sa globalité. Donc tout ceci, il faut s'interroger plus avant sur le rôle que tous ces éléments ont joué dans la naissance ensuite de l'écologie politique. À ceci s'ajoute, depuis la fin du XIXe siècle, le développement d'une civilisation des loisirs, le tourisme, qui offre au corps oisif, un corps qui n'est plus au travail dans ces instants-là, la possibilité, me semble-t-il, d'un autre rapport à l'environnement et à la nature. Cette convergence des facteurs expliquerait que la violence que subissent les espaces naturels, les animaux, les hommes, soumis donc à des menaces nouvelles de pollution, deviennent de plus en plus intolérables pour des sensibilités affinées. Ce qui est sûr, c'est que l'idée d'une sensibilité écologiste domine encore aujourd'hui le discours médiatique. Alors, dans ce contexte donc, que je viens d'esquisser, on voit se développer la presse, c'est le dernier facteur, développement qui doit beaucoup aux facteurs précédents. On peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, on entre véritablement dans l'ère médiatique, puisque, pour le dire rapidement, le total des tirages des quotidiens est multiplié par 10 entre 1867 et 1914. On passe d'un total de 950 000 tirages à 9 500 000. Donc c'est vraiment une explosion médiatique. Alors ensuite, la progression se ralentit quelque peu. Enfin, elle se ralentit, elle stagne, puisque en 1939, on est à 11,5 millions. N'empêche que la France reste le numéro 1 pour ce qui est de la lecture de la presse devant l'Angleterre. Et puis, bien sûr, le relais est pris par les médias audiovisuels, la radio dans l'entre-deux-guerres, la télévision après la Seconde Guerre mondiale. Je reviens juste une seconde sur la fin du XIXe siècle. Il me semble que, donc, dans cette médiatisation nouvelle du monde qui se met en place, un facteur a joué un rôle très important, ou a pu jouer un rôle très important, c'est l'affaire Dreyfus. Parce qu'à la faveur de l'affaire Dreyfus, on a bien vu... on a bien mis le doigt sur le rôle que les médias étaient susceptibles de jouer dans la mobilisation ou dans la désinformation, dans l'information de l'opinion. Donc, dès la fin du XIXe siècle, les militants de la protection de la nature et de l'environnement ont bien conscience de l'intérêt pour eux de sensibiliser le public le plus large possible à leurs revendications. Donc, c'est à ce moment-là que commence cette médiatisation des questions de la protection de la nature et de l'environnement, en fonctionnant d'ailleurs par des coups d'éclat pour donner, disons, à l'action une certaine visibilité. Cette médiatisation et cette mobilisation concernent d'abord une élite intellectuelle qui essaye d'influer directement sur le pouvoir, puis qui de plus en plus sollicite un élargissement de son audience et donc va chercher en quelque sorte l'opinion publique en essayant de la gagner à ce qui est présenté comme une cause nationale. Alors, par exemple, en France, on sait que la protection de Fontainebleau sous le Second Empire est restée encore très largement l'apanage d'une élite intellectuelle qui cherchait avant tout à sensibiliser la classe politique et les proches donc de Napoléon III. Le recours à l'opinion publique s'est fait plus systématique à la fin du siècle avec des associations nouvelles comme par exemple le Touring Club de France, la revue du Touring Club de France est créée en 1891, ou la société de protection, la société pour la protection des paysages de France créée elle en 1901. Et donc cet appel à l'opinion publique a aussi usé de plus en plus du canal des journaux généralistes, des journaux qui avaient pignon sur rue, comme par exemple en France le Figaro. Soyons prudents, le tirage du Figaro est encore, avant la guerre de 14, un tirage extrêmement limité, qui n'excède pas 35 000 exemplaires quand les grands quotidiens populaires dépassent le million. Donc c'est malgré tout un appel à l'opinion publique qui reste très, très circonscrit. On est là donc dans un stade intermédiaire dans lequel la défense de la nature reste quand même largement entre les mains d'une élite qui cherche simplement à élargir sa base en médiatisant ses préoccupations. un nouveau tournant semble avoir été franchi dans les années 1970. Alors, néanmoins, rappelons quand même que les critiques d'une société technophile et matérialiste ne manquent pas avant, hein, bien sûr, et dès le début des Trente Glorieuses. La revue protestante Réforme, par exemple, réunit des contributions de Jacques Ellul ou Bernard Charbonneau, qui seront des figures centrales de l'écologie politique des années 70. Mais ce sont encore des revues confidentielles, des lieux de débat intellectuel qui restent donc débat, qui restent l'apanage d'un petit nombre. La décennie 70, elle, semble marquer une nouvelle étape dans le processus de politisation de la question environnementale, ce qui pose la question, évidemment, des difficultés rencontrées par les acteurs de cette médiatisation, des limites de cette nouvelle étape, parce que l'environnement médiatique français reste très centralisé à ce moment-là et donc assez difficile à pénétrer pour les nouveaux venus. Alors, dans cette fin du XXe siècle, je distinguerai rapidement, donc, c'est toute la question que je posais tout à l'heure, hein, plusieurs étapes qui concernent les trois décennies, mais qu'il faut peut-être réinterroger. Hein. La décennie 70, qui semble, disons, pour aller vite, marquée par une utopie, hein, et une utopie qui est aussi une utopie médiatique, hein, parce que comme au moment de la Révolution, comme en 1848, comme pendant la Commune, les années post-68 voient une explosion médiatique, hein, une effervescence médiatique. De très nombreux titres militants sont alors publiés. Et pour les seuls titres écologistes, hein, on en a compté, c'est l'objet, ça a été le travail d'une étudiante qui a fait un master sur la question à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 167 titres écologistes sont publiés en France de 1970 à 1997, qui associe donc des publications associatives, et d'ailleurs souvent rurales, hein, et des titres plus militants. Dans ce paysage médiatique des années 70, donc, la presse locale et régionale est dominante, et les titres à l'envergure nationale, ceux dont on se souvient, comme La Gueule ouverte par exemple, sont finalement plutôt l'exception. La Gueule ouverte, donc, puisque je l'évoque, qui tire à peu près à 70 000 exemplaires. Donc ce sont encore quand même des tirages qui sont limités. Donc je le disais, dans cette presse écologiste, on peut distinguer deux courants, des titres très underground, très subversifs, une presse qui a été qualifiée par certains de presse expressiviste, que Le Monde d'ailleurs a qualifié de presse d'exaspération, et puis donc des publications associatives contre-hégémoniques, disent certains, qui sont bien plus nombreuses, mais donc qui sont moins inscrites dans la mémoire collective du grand public. Ces deux courants dessinent donc les contours d'une presse marginale, de lutte, qui ne se contente pas de subir le poids de l'événement, mais qui entend bien le créer. Cette presse, bien qu'elle bénéficie quand même d'un contexte, je dirais, économique et culturel plutôt favorable, ne dure pas. Enfin, en tout cas, la presse militante, la presse associative, c'est plus compliqué, hein. Cette presse militante, cette presse expressiviste ne dure pas, en partie parce que ces acteurs n'ont pas pour objectif de durer. La plupart d'entre eux veulent simplement dire quelque chose, hein, dire ce qu'ils ont à dire, vivre une expérience, et puis ensuite passer à autre chose. Dans le même temps, donc dans ces années 70, on assiste à la création des rubriques environnement dans les grands quotidiens, Le Monde en 1972. On assiste aussi à l'apparition d'émissions de télévision consacrées à la France défigurée ou à la radio, à la qualité de la vie. La grande diversité de ce paysage de l'écologie médiatisée me semble constituer une vraie difficulté méthodologique pour qui veut l'étudier, hein, parce que parler de médiatisation de l'écologie, c'est donc parler de médias et de discours bien différents, quant à la tonalité, quant aux pratiques professionnelles, quant à l'engagement, mais aussi quant au fond même du propos, même si tous se retrouvent, c'est vrai, sur cette sensibilité que j'évoquais tout à l'heure, hein, cette sensibilité commune au problème de destruction de l'environnement et bien sûr sur certaines valeurs. Alors, ce qui pose un certain nombre de questions, Et y a-t-il un changement de nature ou de degré quand on passe de l'un à l'autre de ces médias ? La question environnementale, on le sait bien, ça n'est pas exactement la même chose que l'écologisme de la gueule ouverte, qui marie des idées libertaires et les idées de l'écologisme. On connaît les difficultés du positionnement écologiste dans les années 70. L'écologisme est-il une alternative politique globale ou doit-il se contenter de protéger la nature ? Or, la porosité des frontières qui a été souvent évoquée entre écologistes et environnementalistes est-elle aussi pertinente pour la presse ? Peut-on faire une distinction entre une presse écologiste donc et une presse environnementaliste ? Et si oui, ce qui n'est pas sûr, recoupe-t-elle la distinction entre presse généraliste et presse alternative ? Autre question, l'écologie politique comme théorie et comme organisation est-elle... Que doit-elle à cette effusion médiatique ? Et inversement, que doit cette effusion médiatique au développement des théories de l'écologie politique ? Sur le plan théorique comme sur le plan pratique, comment fonctionne la circulation des idées ? Cette presse est-elle plus créatrice que vectrice, pour dire les choses autrement ? Alors, en première hypothèse que je vous soumets, je dirais qu'en forgeant un projet alternatif, cette presse élargit l'horizon politique, alors même qu'elle met en cause les formations politiques classiques et le cadre de l'action politique traditionnelle. Donc, elle invite à des recompositions et à des mobilisations citoyennes. C'est ce qui m'a fait penser, évidemment, à l'affaire Dreyfus, qui a eu exactement le même effet sur le plan politique. Donc, recomposition, mobilisation autour de certaines questions, le nucléaire, le Larzac, qui, donc, en faisant de l'écologie un bien commun, transforme l'écologie en sujet politique susceptible de transcender ou en tout cas de rediscuter, de retravailler le clivage gauche-droite. On voit bien, il me semble, que se constitue une culture politique propre ayant ses valeurs et son imaginaire à ce moment-là. Alors, heureusement, en tout cas pour l'analyste, l'hétérogénéité de ces médias est estompée par le fait que cette presse très protéiforme se concentre, s'uniformise dans les décennies suivantes. Donc la deuxième phase, ça a été souvent souligné, marquerait, celle des années 80, marquerait un retour à la réalité ou au réalisme, je ne sais pas bien. Elle est marquée par la disparition de nombreuses feuilles alternatives. Mais d'une part, ça n'empêche pas la presse écologiste de continuer à progresser en volume, dans le cadre notamment de l'expansion de la presse magazine. Et d'autre part, il faut bien dire que le propos se généralise dans la presse généraliste, en même temps d'ailleurs que le ton et les codes de la mise en récit médiatique changent. Évidemment, il faut du coup poser la question du rôle qu'a joué cette presse dans la création du Parti Vert en 1984. Est-ce que du coup, la presse écologiste se soucie davantage de l'expression la plus visible du fonctionnement démocratique, c'est-à-dire se fixe, se cristallise, et de quelle manière, sur les échéances électorales ? Ça serait une autre question. Troisième phase, l'intégration économique des revues écologistes dans les années 90 et leur montée en gamme, si vous me passez cette expression très commerciale, puisqu'en effet c'est une presse qui renonce au pauvre papier, au dessin de ses débuts. Donc, intégration économique dans le temps même où le Parti Vert devient un parti de gouvernement. Est-ce que ce changement marque un autre moment d'une transformation des contenus, des discours, des valeurs de cette presse ? Quel effet cette normalisation a-t-elle sur l'opinion ? Peut-on parler à ce moment-là de démocratisation de la question environnementale et ou écologiste ? Et ce, en un temps où la confiance des Français dans leur presse s'érode assez considérablement, les années 90. Donc il y a là comme une contradiction. Quelles sont les conséquences en termes de mobilisation des citoyens, du développement dans les médias, des questions pratiques et de vie quotidienne ? Alors, question qui sensibilise les citoyens, peut-on dire, mais est-ce qu'elles n'ont pas aussi comme résultat de les éloigner des questions d'écologie politique ? Pour le dire autrement, les lecteurs, une fois qu'ils ont équipé leur maison en solaire et qu'ils ont fabriqué leur compost, est-ce qu'ils estiment qu'ils ont fait l'essentiel et que donc ils n'ont pas tendance à renoncer à toute autre forme d'engagement, de mobilisation dans l'espace public ? Alors, toutes ces questions qui convoquent toujours l'opinion publique d'une manière ou d'une autre, on voit bien, m'obligent à aborder donc brièvement cette question. Donc on sait bien que la médiatisation fonctionne ou non selon la disponibilité de l'opinion publique. Est-elle prête ou non à entendre des arguments, à recevoir un message ? Et donc il s'agit toujours pour les médias de créer un horizon d'attente qui rend le lecteur réceptif, ce qui pose plusieurs questions. D'une part, celle du registre ou des registres sur lesquels joue la presse. L'émotion, plus que l'argumentation scientifique ou technique. Le spectaculaire, plus que l'ordinaire. Un mixte de tout ceci. Deuxième question, celle donc centrale de l'opinion publique. Je voudrais juste rappeler que la notion d'opinion publique pose une série de problèmes. D'abord, problèmes qui ont été évidemment soulignés par Bourdieu, hein. Juste donc pour rappel, hein, elle suppose que tout le monde peut avoir une opinion. Or, la compétence politique n'est pas universellement répandue, elle varie grosso modo selon le niveau d'instruction. Bourdieu parlait à ce sujet d'éthos de classe, que l'on peut retrouver en effet dans la mobilisation des élites de la fin du XIXe siècle, par exemple, en Grande-Bretagne, alors en Grande-Bretagne dès le début du XIXe siècle, hein, et en France à la fin du XIXe siècle. Que l'on peut retrouver aussi d'une autre manière dans les mobilisations des années 70, qui relèvent d'ailleurs peut-être davantage d'un éthos de classe, d'un éthos générationnel. Deuxième problème, par opinion publique, on entend souvent une addition d'opinions qui n'ont pas du tout la même valeur. Et donc on produit des artefacts totalement dépourvus de sens. Troisième problème, on a d'autant plus d'opinions, et chacun en a fait l'expérience, on a d'autant plus d'opinions sur un problème que l'on est plus intéressé par ce problème, c'est-à-dire que l'on a plus intérêt à ce problème. D'où, évidemment, l'importance des médias locaux et des mobilisations sur des sujets ponctuels. Mais ça amène à se demander, les écologistes parlent-ils aux écologistes et à eux seuls ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, une perte de ce point de vue-là, qu'il faudrait essayer de fixer d'ailleurs ? Bref, la plupart des historiens des médias, la totalité, conclut avec Pierre Albert, notre maître, que la notion d'opinion publique est, je le cite, très difficile à définir et impossible à analyser, et que c'est au final un concept inopérant pour la presse, qui évidemment n'arrange pas, ne nous arrange pas, mais nous permet quand même de travailler la question en nous demandant, et finalement, est-ce que l'opinion publique, qui est souvent invoquée par les médias, hein, est autre chose qu'un totem ? Est-ce que c'est autre chose qu'un instrument de cette fabrication de l'adhésion décrite par Habermas ? On suggère au lecteur qu'il contribue en tant que personne privée à former une opinion publique. Du coup, ils sont très contents. Alors évidemment, cette critique a comme corréla ou comme conséquence l'idée que l'opinion publique suppose un consensus qui n'existe pas et qu'à des médias pluriels, donc, répondent des opinions plurielles et inversement, évidemment. Cette idée a été, me semble-t-il, aussi au cœur de la démarche, même si elle n'a pas été exprimée de manière aussi formelle ou formalisée, hein, mais elle a été au cœur de la démarche de la presse militante, écologiste ou non d'ailleurs, des années 70, hein, qui justement, en donnant la parole aussi à ceux qui ne l'avaient jamais, qui ne la sollicitaient jamais, ont essayé de susciter, de mobiliser une opinion qui était jugée plus juste que l'opinion dominante. Je mets évidemment des guillemets à opinion dominante. Alors, cela dit, on est tous bien conscients que, bien sûr, il y a un discours dominant, il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'espace public, dans l'air du temps, qui contribue à la couleur de ce qu'on appelait au début du XXe siècle l'esprit public, hein, bien sûr. Mais le fait qu'un sujet soit beaucoup traité par les médias ne signifie pas forcément que les lecteurs s'y intéressent beaucoup plus que ça. Et moins encore qu'ils en retiennent quelque chose. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les études réalisées dans l'entre-deux-guerres puis dans les années 50 aux États-Unis sur les effets de telle ou telle campagne de presse qui, pour un professionnel, sont des études totalement désespérantes. Alors, on pourrait essayer d'esquisser une chronologie des effets de cette médiatisation. Une première phase, qui serait donc les années 70, puis peut-être les années 2000 après Kyoto, hein, de création d'opinions nouvelles par la voie d'une prise de conscience, Et puis, une autre phase qui serait marquée davantage par le renforcement des intuitions ou des postures préexistantes. C'est évidemment une question que je pose. Mais il faudrait, dans cette perspective d'ailleurs, interroger aussi le rôle crucial des leaders d'opinion dans l'influence des messages médiatiques sur les individus. Une chose quand même, pour finir sur cette question de l'opinion, une chose semble à peu près avérée, hein, c'est que l'information suscite le besoin d'information. Quelque chose est éveillé qui demande à être nourri, mais autre certitude, l'éveil des sensibilités a aussi son revers. L'information qui dure peut susciter de la lassitude, et Dieu sait que les entreprises médiatiques ont peur de cette lassitude des récepteurs. Et donc, question connexe, comment les acteurs des médias composent-ils avec ces contradictions ? Je finirai ces interrogations sur le travail des journalistes. Travail des journalistes qui demeure souvent le point, en tout cas partiellement aveugle, de la connaissance historique. Et pour cause, nous avons affaire dans la plupart des cas à des gens qui ne sont plus. Hein. Et évidemment, je suis très heureuse que nous ayons aujourd'hui une occasion d'en savoir un peu plus sur la manière dont les pionniers de cette médiatisation de l'écologie ont travaillé. Alors, à ce sujet, vous me permettrez encore de formuler 4 questions et puis je m'arrêterai, c'est promis. Hein. Une première question sur l'articulation entre le caractère scientifique et le caractère politique du journalisme traitant d'écologie. Il n'y a pas de spécialisation journalistique sur la question de l'écologie avant la deuxième moitié du XXe siècle, car il semble que jusqu'alors, les questions ne soient pas abordées sous un angle technique. Qu'est-ce qui change de ce point de vue-là avec l'écologie politique ? On l'a dit, les enjeux politiques de l'écologie ont été portés à la connaissance du public dans les années 60 par des spécialistes de la nature, des biologistes, des zoologues, des écologues, qui ont écrit des best-sellers. Donc tout a commencé avec des savants lanceurs d'alerte, comme on dirait aujourd'hui. De quelle manière cette scientifisation de l'approche, bientôt donc associée à une politisation des enjeux, a-t-elle pesé sur le contenu rédactionnel ? Quel rôle ont endossé les journalistes à cet égard ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées dans cette posture qui consiste à être soit vulgarisateur, soit expert, soit essayer d'être les deux, soit, encore une fois, journaliste en lutte ? Est-ce que tous les journalistes qui se sont chargés des questions d'environnement étaient impliqués physiquement ou intellectuellement dans le mouvement de protection de la nature et de l'environnement ou dans l'écologie ? Le journalisme traitant d'écologie, pour le dire autrement, exige-t-il davantage d'être convaincu de la nécessité d'un combat ou à tout le moins d'une réaction quand les questions économiques ou les questions diplomatiques ou les questions culturelles permettraient ou exigeraient moins ce type d'investissement univoque ? La médiatisation, enfin, peut-elle être une fin en soi ? Est-ce qu'elle n'est pas devenue une fin en soi pour certains médias à partir d'un certain moment ? Je pense notamment à TF1. Deuxième série de questions qui concernent la formation et l'intégrité des journalistes. Pour ce qui concerne l'épineuse question du changement climatique, ce sont les journalistes qui sont non seulement les principaux, mais souvent les seuls vecteurs de connaissance du public sur ce problème. Ils ont donc une responsabilité redoutable. Évidemment, on attend d'eux qu'ils maîtrisent la dimension scientifique des dossiers qu'ils traitent. Or, non seulement cette question de la maîtrise scientifique n'est pas évidente, mais il y a aussi celle de leur intégrité à cet égard. Hein, Jean-Paul Deléage a bien montré pour les États-Unis le rôle de certains scientifiques à la solde du gouvernement, ce qu'il appelle les marchands de doute, hein, qui s'efforceraient de brouiller le message de la majorité de la communauté scientifique sur des enjeux essentiels, le tabac, la couche d'ozone, le réchauffement climatique, en utilisant les médias. Il faut ajouter à ça que la scientifisation du travail des journalistes a pu susciter aussi des conflits de compétences, puisque les spécialistes d'environnement ont à la télévision, par exemple, remplacé des journalistes scientifiques qui étaient auparavant en charge de ces questions. Et d'ailleurs, cette question, puisque je pensais en l'occurrence à José Blanc-Lapierre, hein, cette question en amène une autre, et vous me pardonnerez ce torrent de questions qui va vous assommer complètement, mais cette question subsidiaire qui est celle de la place des femmes dans cette médiatisation de l'écologie, dans les mouvements d'une manière générale, mais dans la médiatisation en particulier. Bref, laissons cela pour l'instant. Troisième question que je voulais aborder sur le travail des journalistes, la question de l'indépendance des médias qui sont de plus en plus financés depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est bien connu, par la publicité. J'emprunte ici à Jean-Marc Jancovici, qui insiste sur le poids que les recettes publicitaires proportionnelles à l'audience font peser sur la ligne éditoriale d'un média. Je le cite. « Peut-on être indépendant quand, en première approximation, on ne peut pas souvent dire des choses qui déplaisent au lectorat, même si on a envie de les dire » demande-t-il. Or, des choses qui déplaisent potentiellement au lectorat, quand les solutions au changement climatique s'appellent « moins conduire », « moins utiliser d'énergie pour se chauffer », « moins aller en avion sous les tropiques », « moins manger de viande » et « moins acheter tout ce qui vous passe à la portée de la main », il y en a pléthore. C'est bien ça qui a conduit d'ailleurs Ségolène Royal à parler d'écologie punitive. Alors, ça nous ramène aux contraintes diverses du travail journalistique dans cette perspective-là, hein, qui ont pu altérer, modifier le message. Et puis, enfin, toute dernière interrogation, ou salve d'interrogation, qui concerne l'efficacité sociale et politique de cette médiatisation. Hein, comment savoir ? Alors, sur le plan pratique, ça a probablement peu d'intérêt, mais pour l'approche scientifique, c'est quand même intéressant. Comment savoir ce qui a pesé le plus pour donner de la visibilité à la question de l'écologie, de la presse alternative et spécialisée donc des années 70, celle qui est présentée là-bas, ou de la presse généraliste? Quelles sont les stratégies déployées par tous ceux qui veulent faire œuvre de persuasion? De quelle manière aussi les militants ont-ils su utiliser les médias, pour construire, pour corriger leur image, pour rassembler. Hein. On se souvient, Cress Malville égale un mort, qui a été une image évidemment très, très, très réductrice et qui a, semble-t-il, poussé ensuite les écologistes à la prudence. La question aussi des liens des journalistes avec les organisations, les associations, puis avec les Verts. Enfin, évidemment, la question centrale du rôle de ces médias et de ces médiateurs auprès des décideurs politiques. A-t-il été plus facile, est-il toujours plus facile de modifier une politique que de modifier des comportements? On a vu l'inverse parfois, hein, l'échec de la mobilisation à Fessenheim en 78, puisque donc ça n'a pas empêché la remise en route de la centrale, est peut-être aussi lu comme une réussite, parce que c'est ce moment-là qui a permis l'émergence d'une conscience environnementaliste en Alsace et l'union des mouvements écologistes. En tous les cas, pour finir, chacun sait désormais que rien d'efficace ne peut se faire dans l'espace public qui ne soit pas médiatisé, ou, pour dire les choses autrement, qu'il n'y a pas d'action publique possible sans le secours des médias, malgré les effets pervers éventuels de cette médiatisation. Alors voilà, il appartiendra à cette journée, je l'espère, d'éclaircir pour le cadre français, en attendant de futures rencontres qui permettraient d'ouvrir le champ au comparatisme international. Voilà. Donc, il appartiendra à cette journée d'éclaircir cette dernière question et toutes celles avec lesquelles je viens de vous assommer. Je vous remercie très chaleureusement d'être ici aujourd'hui. Je remercie Jérôme de la Salle pour sa belle affiche et pour son expertise à venir en matière de café. Je remercie surtout, évidemment, nos orateurs. Je les remercie d'autant plus qu'ils ont, fait cette épreuve, cette expérience urbaine du RER, de la ligne A du RER aux heures de pointe et en situation délicate ce matin. Et je sais que, pour l'avoir fait souvent, c'est une expérience certes enrichissante, mais éprouvante. Je nous souhaite donc des échanges tout à fait féconds et donc je vais passer directement la parole à Fabrice Plipeau. Oui, tu voulais juste ajouter voilà, simplement deux mots sur l'organisation de la matinée. Donc nous avons trois intervenants, donc Fabrice Plipeau, Guillaume Saint-Denis et Jean-Baptiste Combi. Chaque intervenant dans la journée aura à peu près une demi-heure de parole. Merci de le respecter. Vous avez vu qu'on a un programme très chargé, très dense, donc je jouerai les pères fouettards pour m'assurer que vous ne débordez pas. Nous avons gardé à chaque fois du temps pour la discussion, donc pour mêler des discussions sur plusieurs interventions. Donc pour la discussion de cette matinée, ce sera entre midi et midi 30. Simplement, comme M. Thibault devra partir à 11h, je vous propose de lui poser les questions après son intervention. ou éventuellement à la pause qui aura lieu entre 10h45 et 11h. On va effectivement vous laisser la parole. Je vais vous présenter en deux mots. Donc, vous êtes maître de conférence en philosophie, vous avez fait une HDR sur statut et portée de l'écologie politique. Vous enseignez à Télécom et Management Sud Paris, l'ancien Institut National des Télécommunications. Et je crois que vous avez aussi des cours à l'Université de Paris 7 sur l'écologie politique. Monsieur Flipeau a deux grands thèmes de recherche, la crise écologique et plus récemment les enjeux de la société de l'information dans le cadre de cette crise écologique. Dans une bibliographie qui est extrêmement riche, j'ai simplement sorti deux ouvrages qui me semblent liés à ce que nous évoquons aujourd'hui. Un ouvrage qui s'intitule « Peut-on croire dans les technologies de l'information et de la communication verte » paru en 2012, et un autre qui s'intitule « La face cachée du numérique » paru aux éditions L'Échappée en 2013. Et donc vous allez intervenir aujourd'hui sur l'introuvable histoire de l'écologie. Je vous remercie de m'avoir invité à cette journée qui me semble très intéressante, mais à laquelle je regrette de ne pas pouvoir participer pleinement puisque j'ai des cours cet après-midi et je ne peux pas à Évry et je ne pouvais pas me faire remplacer facilement. Donc c'est avec regret que je vais devoir partir vers 11h30. Pour aller directement dans le vif du sujet, il y a un certain nombre de constats qui ont été faits. À savoir la relative, je les lance un petit peu en vrac comme ça, puis je vais vous dire un petit peu comment je vais essayer de les éclairer, d'en éclairer les causes du moins. Premier constat, la relative absence des auteurs qui ont consacré de l'écologie politique dans les bibliothèques. Hein, je vous donne juste un exemple, un témoignage illustratif. Donc à Paris 10, il y a une philosophe qui s'appelle Émilie Hache qui travaille sur ces questions d'écologie. Et bon, j'étais allé faire une présentation de mes travaux et j'avais cité tout un tas de noms dont vous avez cité, Lulle, Charbonneau et ainsi de suite. Elle me dit, Fabrice, où est-ce que tu trouves tous ces bouquins ? Ben voilà, c'est effectivement, c'est relativement absent. Alors, il y a Dominique Alain-Michaud qui a un château, paraît-il, de documentation, mais ce château de documentation n'est pas classé, n'est pas... Bon, donc voilà, en tout cas, quand on va à la bibliothèque et qu'on cherche à se renseigner sur l'écologie politique, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à savoir exactement de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'environnement, on va parler de risques industriels, on va parler de différentes choses, mais est-ce que c'est vraiment l'écologie politique ? C'est pas si évident que ça. Deuxième constat, c'est l'absence de l'écologie politique à l'intérieur des travaux de l'académie, donc ça va avec, hein. Parmi les raisons qui peuvent expliquer ça, c'est l'étonnant principe de précaution, j'ai envie de dire, appliqué à tout travail qui s'exercerait dans le domaine de l'écologie politique, qui par définition est suspecté d'être militant, d'être trop engagé. Alors ce qui est curieux, c'est que dans tout un tas d'autres domaines, c'est pas du tout un reproche d'être engagé sur une cause, hein, notamment dans le cas du journalisme, je pensais à Camille Lecomte, dont on parle beaucoup à la télé, à la radio en ce moment. Donc tout le monde admire son engagement, son dévouement, son militantisme en faveur des gens dont on ne parle pas, des malheurs, des souffrances dont on ne parle pas dans les médias. Mais par contre, quand Hervé Kempf s'engage à Notre-Dame-des-Landes, là, ça pose problème. Alors, je m'étonne un petit peu de pourquoi il y a une conduite différente. Il n'y a pas de raison d'avoir de conduite différente si le militantisme peut être un gage de sérieux, dans quelle mesure ça doit s'appliquer de manière égale, hein, symétrique, dirait Bruno Latour, que je critiquerai plus tard, symétrique entre un cas et puis un autre cas. Il n'y a pas véritablement de raison de différencier. Et pourtant, si on différencie. Autre constat, l'écologie politique, c'est quand même l'un des courants politiques les plus importants de France, pays industrialisé, hein, à côté du socialisme et du libéralisme. Donc on pourrait dire qu'il y a un objet quand même qui est massif dans l'espace public. Curieusement, là encore, quand on regarde, hein, moi ça fait longtemps, je suis très content d'être parmi les historiens, parce que ça fait longtemps que je dis aux historiens que je rencontre qu'il faut faire une histoire de l'écologie politique, notamment parce que les grands témoins de l'époque des années 60-70 sont très âgés et que si on veut avoir accès à toutes sortes d'archives vivantes, il faut quand même se dépêcher. Alors, c'est quand même curieux que sur les autres grands courants politiques, le mouvement ouvrier, là on a pléthore de documents, sur le libéralisme, on n'en parle même pas, mais sur ce courant-là, on a beaucoup de mal à trouver quelque chose, et quand on trouve quelque chose, c'est jamais exactement l'écologie politique, c'est le mouvement antinucléaire, c'est ceci, c'est pas vraiment l'écologie politique. Donc voilà, c'est des constats que je fais, et c'est des constats auxquels j'ai été confronté aussi, moi, dans mes travaux, bien entendu, pour essayer de thématiser un peu ce que c'est que l'écologie politique. Et je vais essayer maintenant, au travers d'un éclairage par la philosophie politique et sociale, d'essayer de montrer pourquoi, qu'est-ce qui peut expliquer cette relative absence, d'une certaine manière, ou de l'écologie politique dans les espaces publics dont j'ai parlé. Donc pour partir de... Pour démarrer, on peut se donner une définition, disons, minimale de l'écologie politique, hein, ou de l'écologisme, j'utiliserai les deux termes de manière synonyme, pour désigner un mouvement social, hein, une idéologie, un mouvement social. On pourrait dire que l'écologisme se distingue de l'environnementalisme par le fait de vouloir changer en profondeur les causes de la dégradation de la nature pour y mettre un terme. Alors, il y a trois concepts qui sont importants dans cette définition qu'on trouve un peu partout, hein, dans les travaux sur l'écologie politique. C'est d'abord les causes. Quelles sont les causes de la dégradation de la nature? Qu'est-ce que c'est que la nature? C'est un grand problème, puisque un grand problème qui prend, c'est une des causes d'ailleurs de l'absence, de la relative absence de l'écologie politique dans les travaux académiques, c'est que la nature pose tout un tas de problèmes aux sciences humaines et sociales, notamment depuis que les sciences humaines et sociales se sont séparées disciplinairement des sciences de la nature. Donc après, problème de formation, tout ça, bon, j'y reviendrai rapidement, mais voilà, la question de la nature, et puis la question du changement. Qu'est-ce que c'est que changer pour aller vers donc une société dans laquelle la dégradation de la nature n'aurait plus lieu? Donc je reviens sur les trois concepts principaux. Sur les causes d'abord, alors il y a une cause qui est mise en avant régulièrement et qui est vraie, mais en même temps trop vague, qui est c'est l'homme. C'est l'homme qui détruit la nature, c'est l'homme qui dégrade la nature. Alors c'est vrai, évidemment que c'est l'homme. C'est sûr que ça peut, c'est bien tout le problème. Mais en même temps, on voit bien que c'est trop vague, parce que d'une part, c'est peut-être trop général historiquement. C'est-à-dire que l'homme a toujours eu un rapport avec la nature. Donc l'écologisme, c'est pas simplement le rapport de l'homme avec la nature. Sinon, l'écologisme existe depuis des millions d'années, probablement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à partir des années 60-70, les gens s'accordent pour dire qu'il y a un mouvement social spécifique qui... C'est pas l'homme en général. C'est pas l'homme en général non plus du point de vue des identités. Hein. Est-ce que c'est l'homme du Sud? Est-ce que c'est l'homme du Nord? Est-ce que c'est l'homme occidental? Est-ce que c'est l'homme moderne? Est-ce que c'est l'homme développé? Est-ce que c'est l'homme sous-développé? C'est là qu'on commence à rentrer un petit peu dans le sujet. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, on ne peut pas comprendre l'écologisme si on n'en comprend pas, si on ne l'envisage pas sous l'angle de la portée. C'est-à-dire, quelles sont les motivations dernières du mouvement écologiste. Alors, je dis ça, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que, d'une part, ça fait appel à la question des sciences de la nature, puisque pour évaluer la portée du mouvement, il faut faire un diagnostic. Est-ce que le climat change? Est-ce qu'il y a du pétrole? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Là aussi, il y a une espèce de posture un peu étonnante qui consiste à dans les sciences humaines, à considérer comme rationnelle la posture qui dit il faut appliquer un principe de précaution à l'endroit du catastrophisme. On ne sait pas. Mais ce n'est pas plus rationnel que de dire qu'il y a un catastrophisme. La seule manière, une catastrophe en cours, la seule manière de trancher, c'est de faire appel aux sciences de la nature. Sinon, c'est une posture irrationnelle qui fait un pari, hein. C'est un pari pascalien, on pourrait dire, hein. comme si on avait affaire à la croyance en Dieu. Est-ce que Dieu existe ou pas? Certains vont dire Dieu existe, d'autres vont dire Dieu n'existe pas. C'est un pari qu'on ne peut pas démontrer. C'est quand même pas exactement le cas avec c'est pas la même chose avec les processus écologiques en cours ou des puisements de l'énergie. C'est pas la même chose. On a quand même des données, il y a quand même des travaux empiriques. Enfin, ça revient à récuser en bloc toutes les sciences de la nature comme étant quelque chose de douteux. Ce qui est encore plus curieux, à partir du moment où la modernité, justement, se définit, quand vous regardez les travaux sur la modernité se définit précisément par la puissance de sa science de la nature. Donc, il y a certains, comme ça, un certain nombre de paradoxes qui, ou de, disons, de choses étonnantes qui se produisent dès lors qu'on s'intéresse à l'écologisme et qui ne se produisent pas dans d'autres domaines. Donc on ne peut pas comprendre l'écologisme sans comprendre la portée. Alors ça, ça veut dire aussi que du point de vue de la sociologie, à l'intérieur de la sociologie, il y a différents courants. Il y a le courant qui s'intéresse aux mouvements sociaux, le RT21, pour les, si ma mémoire est bonne, pour les spécialistes de la sociologie. Puis il y a ceux qui s'intéressent à l'écologisme et à l'environnement, qui est le RT38. Alors curieusement, ils n'ont pas du tout le même diagnostic sur l'écologisme. Du côté des mouvements sociaux, la thèse qui domine, c'est bon, l'écologisme est né dans les années 70, et puis bon, il a pensé avoir une grande portée, puis maintenant c'est un peu fini. Voilà, Touraine s'est trompé. Alors c'est une lecture sociologique, mais qui pose problème, puisqu'elle ne s'intéresse pas précisément à la portée. C'est ça l'intérêt de Touraine, c'est de se dire, mais finalement, c'est d'avoir une dimension philosophique dans son analyse sociologique. Ce que n'ont pas les Éric Neveu, Lilian Mathieu, que je respecte par ailleurs, mais ils ne prennent pas l'écologie sous cet angle-là. Ils regardent quels sont les combats écologistes, Mais on ne peut pas comprendre l'écologisme dans sa portée à partir du moment où les plus gros problèmes d'écologie ne sont pas encore arrivés. C'est tout simple, mais pour l'instant, le pétrole ne s'épuise pas, effectivement, le climat n'a pas encore changé. Donc la majorité des enjeux, c'est encore à venir. On ne peut pas le comprendre sans prendre ça en compte. Après, quand on regarde les causes, une fois qu'on a délimité, disons, posé ces éléments principaux, quand on regarde les causes, alors là, ça devient compliqué, puisque ça va de « c'est la faute à Platon, à Heidegger », jusqu'à « c'est la faute à rien ». C'est la faute à rien au sens où la technologie, certes, a engendré quelques petites dégradations de l'environnement et quelques menaces sur le climat, et ainsi de suite, mais par la ruse de l'histoire technologique, le discours que je suis en train de vous tenir, c'est le discours qu'on entend dans le domaine des technologies de l'information, justement. Les technologies de l'information arrivent justement au bon moment pour résoudre tous les problèmes et mettre en place les smart grids, les smart ceci, les smart cela, qui vont permettre de ne pas avoir problème, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Le problème de l'écologie va se résoudre tout seul par la providence technologique, ce qui, là encore, paraît assez étonnant. C'est-à-dire que, dans le cas de la technologie, il faudrait avoir la foi, aveugle, hein, si possible. Hein. Dès qu'on demande des comptes, on est regardé un peu de manière suspecte. Et c'est le cas, c'est mon cas dans mon institut. Et de l'autre côté, à partir du moment où on dit le climat change, peut-être, il faudrait peut-être regarder ça de près. Alors là, on est aussi suspect, mais pour des raisons complètement différentes. Donc vous voyez, il y a deux poids, deux mesures, et il y a une application complètement sélective du principe de précaution. Donc, à partir de là, ça vous explique pourquoi les absences et les présences hein, dans l'espace médiatique, tout ça, bien entendu, de la question écologique, ça commence à éclairer un petit peu les choses. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est dans mon travail, j'essaye d'approcher les problèmes plutôt par les controverses plutôt que par les définitions. Et quand on regarde les controverses qu'a généré l'émergence de l'écologisme dans l'espace public, auprès des deux grandes idéologies politiques qui dominaient dans les années 70, qui sont, disons, le libéralisme et l'anticapitalisme, pour faire vite, on s'aperçoit que ni l'une ni l'autre, finalement, ne s'intéresse véritablement à l'écologisme. Pour toutes les deux, c'est un gros problème. Alors, pour le libéralisme, ça paraît assez évident. La main invisible s'étendant à l'infini et générant le progrès, le PIB, et ainsi de suite, on voit assez mal comment ça peut être compatible avec les limites de la planète. Mais pour l'anticapitalisme, alors là, les libéraux, du coup, vont avoir tendance à renvoyer les écologistes du côté des anticapitalistes, hein, c'est la théorie des pastèques. Mais du côté de l'anticapitalisme, ou du socialisme, c'est pas mieux, puisque les écologistes paraissent être réactionnaire, obscurantiste, anti-progrès, puisque le progrès, c'est le progrès des forces productives. Hein. Donc là, c'est une ruse de l'histoire aussi, mais une autre ruse de l'histoire. La ruse de l'histoire l'émergence de la bourgeoisie et du capitalisme. Bon, on ne fait pas le marxisme classique, mais voilà. Donc, rejet des deux côtés, ce qui contribue évidemment à l'invisibilisation de la problématique écologique, y compris dans les milieux académiques où ces écoles, ces grandes écoles, ces grands courants politiques sont représentés et ni les uns ni les autres ne s'intéressent véritablement à l'écologie dont on voit qu'elle remet en cause, c'est pas simplement la planète se dégrade, c'est le mode de vie qui est remis en cause et donc c'est, on va y arriver, une représentation du monde, voire même une période historique qu'il s'agit de requalifier. Donc ça, c'est les causes. Sur la nature, rapidement, hein, pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Alors, le latourisme a fait beaucoup de bonnes choses du côté des sciences humaines et sociales. ça a permis au SHS de se saisir de certains aspects de la crise écologique, mais en même temps, le latourisme a, je dirais, résolu la question en faisant disparaître le problème. Donc c'est bien, c'est intéressant, mais on ne parle plus vraiment d'écologie politique avec Bruno Latour. Qu'est-ce qui se passe en fait avec cette question de la nature? Il y a plusieurs aspects qui sont complémentaires. D'abord, c'est que ce que dit notamment Marie-Angèle Hermite sur le point sous l'angle du droit, c'est que, et ce que disait Luc Ferry à sa manière, c'est que la nature dont il est question avec l'écologisme, c'est le vivant. Or, le vivant, alors le vivant, je ne rentre pas dans le détail, hein, les écosystèmes, les espèces, les... voilà. Or, le vivant est non cartésien, et je pense qu'on n'a pas assez pris la mesure de cette affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une part, que ça remet en cause l'ordre moderne, qui est fondé sur une conception cartésienne de la nature. Qu'est-ce que dit Descartes? Descartes dit, en gros, il y a deux choses qui existent dans le monde, hein, deux types d'entités, et uniquement deux, qui sont d'une part les choses qui pensent, c'est nous, et d'autre part les choses étendues, c'est le reste. Alors cette ontologie correspond parfaitement à une civilisation industrielle. Pourquoi? Parce que dans une civilisation industrielle, on utilise principalement des ressources souterraines, on vit dans un monde minéral, et on n'a pas directement d'interaction avec le vivant. Il suffit de regarder les chantiers qu'on a autour de nous pour s'apercevoir qu'effectivement, une relation purement instrumentale à la nature, c'est ce qu'entretient la société industrielle. Alors, ce n'est pas simplement la relation purement instrumentale à la nature, c'est que quand on regarde le libéralisme et l'anticapitalisme, eh bien, ce qui est au cœur de la civilisation moderne, c'est cette idée d'échange. Hein, c'est-à-dire qu'on échange à rendement croissant, hein, c'est Ricardo finalement, cet échange à rendement croissant qui s'étend à l'infini. Hein, Marx, je vous rappelle, s'était prononcé pour le libre-échange à un certain moment, parce qu'il fallait que le marché s'étende jusqu'à l'échelle globale pour que le capitalisme ait fait son œuvre civilisatrice et ensuite le mouvement ouvrier récupère le résultat dont il est le véritable auteur. Donc il y a cette idée d'échange qui se prolonge à l'infini, et que pour que l'échange s'étende, il faut que la nature soit traitée de manière instrumentale. Donc à partir du moment où vous remettez en cause cette instrumentalisation illimitée de la nature, vous remettez en cause le principe de civilisation qui fonde les sociétés dans lesquelles nous sommes. Donc on comprend bien que ça dérange un tout petit peu sur le plan de l'organisation sociale. Enfin, il y a une difficulté à recevoir ce message-là, qui se traduit par tout un tas de réactions. Donc, par exemple, la référence au vivant, ben on va dire, ah oui, mais c'est l'animisme. C'est comme on a en tête une conception de la nature qui est une nature morte, inanimée, qui est vrai, hein, dans le cadre des ressources minérales, ça pose pas de problème, mais ça pose un problème avec les écosystèmes. Donc, comme c'est, on va voir dans l'affirmation des écolos d'une nature vivante, le retour d'une nature enchantée, réenchantée, ce qui d'ailleurs interroge le type de savoir que pouvaient posséder les sociétés non modernes, puisque les sociétés non modernes, pour une partie d'entre elles, en tout cas, pas trop généralisé, mais vu, j'ai obligé de ramasser un petit peu le propos, il y a effectivement des questions qui se posent sur le type de savoir dont disposaient les sociétés non modernes. Si effectivement elles avaient un savoir qui était fondé sur quelque chose de, sur une nature vivante, bien entendu qu'elles attribuaient un animus, une vie, pas un esprit, mais à la nature. Hein. Donc là, on a très vite un glissement de l'idée que la nature est vivante à l'idée que la nature a un esprit, donc une espèce de panthéisme. Hein. Alors des fois, je ne dis pas que le mouvement écologiste ne tombe pas là-dedans de temps en temps, mais c'est quand même très rarement le cas quand on examine les textes. Hein. Je pense notamment à Edward Goldsmith, qui a été classé justement très souvent parmi les gens qui attribuent un esprit à la nature. Vous regardez ce qu'il écrit, c'est pas du tout ça. Au contraire, il est très proche de ce que disent les sciences de la nature dans ce domaine-là, puisque vous voyez que pour savoir si on a affaire à un esprit ou pas, c'est un jugement de fait. Hein. C'est obligé de se rapprocher des sciences de la nature. Donc il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect que si la nature c'est les ressources mécaniques, donc c'est des ressources, ce n'est pas créatif, hein, cet aspect-là de la nature, il n'y a pas de créativité, c'est plutôt le déterminisme. Donc dans les sciences humaines et sociales, quand on parle de nature, c'est en partie parce que quand on s'oppose à la nature, c'est en partie parce qu'on pense que la nature c'est le déterminisme. Oui, sauf que la nature c'est aussi la créativité. Hein, je vous renvoie notamment à Whitehead, la philosophie du processus et de l'organisme. La nature, c'est la créativité. C'est d'ailleurs ce qui pose un grand problème aux industriels du vivant. C'est que la nature ne continue de diverger en permanence. Il n'y a pas moyen de standardiser complètement. Ça ne fait qu'évoluer tout le temps. Donc la nature, c'est aussi la créativité. Et ça vaut aussi pour l'être humain. C'est-à-dire que la définition de l'être humain, alors là, on arrive à la dernière définition, le dernier aspect de la nature, c'est que la nature, c'est aussi l'essence. Alors, dans les sciences humaines et sociales, on essaye d'éviter l'essence, hein, d'essentialiser, parce que essentialiser, ça serait réifier tout de suite, et ainsi de suite. Oui, mais sauf qu'à basculer dans une fluidification générale de toutes les identités, on s'éloigne de la réalité, parce que qu'est-ce que c'est que la réalité, hein ? Là, je vise un peu le postmodernisme, avec cette idée qu'aucune identité ne serait assignable. Eh bien si on reprend l'idée sartrienne de la facticité, nous avons des trajectoires matérielles identifiables. On n'a peut-être pas d'identité complètement identifiable, mais nous avons des trajectoires matérielles identifiables qui signent matériellement des identités. Et on ne peut pas si facilement que ça les changer. D'ailleurs, si c'était si facile, le mouvement écologiste aurait remporté des victoires bien plus importantes. Donc il y a des duretés dans les identités, il y a des réalités, on ne peut pas simplement par la pensée, hein, parce que le postmodernisme, c'était quand même en partie un courant littéraire. Hein. Dans les récits, on peut peut-être s'absoudre de toutes les identités, mais dans la réalité, les faire bouger, c'est pas si facile que ça. Donc, si on veut s'attaquer au problème dur de la question du changement, eh bien, évidemment, on est obligé de tenir compte des idées, des identités, des identifications. Troisième point, et ensuite je m'arrête, c'est la question du changement. Je pointe juste trois petits éléments. Premier élément, c'est que, on a vu dans l'historique, hein, années 70, années 90, quand est-ce que les bibliothèques se remplissent, entre guillemets, de documents, quand est-ce qu'on produit quelque chose sur l'écologisme, ça correspond à chaque fois à des grands sommets internationaux. Alors ça permet de rappeler que l'écologisme, c'est d'abord un problème global, c'est un problème planétaire, c'est un problème de généralisation d'un mode de vie, c'est-à-dire que la question centrale, c'est peut-être pas le problème de la protection de l'environnement, c'est « et si tous les terriens vivaient comme les Américains ?» C'est ça la problématique centrale de l'écologisme, à mon avis. Ce qui pose la question de l'universel, de l'universalité, dont la modernité s'est montrée si... sujet sur lequel la modernité s'est montrée si fière d'avoir, semblait-il, atteint, en tout cas, c'est ce qu'elle a pensé, d'avoir atteint un certain nombre de définitions sur ce que c'est que l'universel, l'universalité. À partir du moment où on remet en cause l'universalité d'un mode de vie, on remet en cause tout ce qui va avec, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui est universel ? Est-ce que les modernes sont si modernes que ça ? Est-ce que, c'est là-dessus que Latour a joué. Est-ce que les développés sont vraiment développés ? Est-ce que les sous-développés sont sous-développés ? Bon, toutes les catégories se trouvent finalement rebattues, avec évidemment certaines tentations, on a vu ça dans le mouvement écologiste, si le développement c'est mauvais, alors le sous-développement c'est génial, hein, donc on idéalise un petit peu les Indiens d'Amérique ou des choses comme ça. Donc, dans ce genre de situation, il y a le risque effectivement de ne faire qu'inverser les polarités plutôt que de réinterroger l'ensemble. Donc ça c'est le premier problème. Deuxième problème... Juste, je rappelle quand même le caractère massif de la chose. Hein. C'est pas simplement un petit courant comme ça. C'est aujourd'hui les BRICS, c'est les États-Unis, c'est des masses importantes de là encore d'identité, hein, de trajectoire matérielle. Deuxièmement, c'est un problème particulier auquel a affaire l'écologisme, que Serge Moscovici notamment a bien pointé, qui est cette idée que contrairement à la plupart des mouvements sociaux. Notamment le mouvement social qui a été privilégié au 19e et 20e siècle, qui est le mouvement ouvrier, dans lequel on a une majorité qui veut mettre fin au pouvoir d'une minorité qui abuse, qui l'exploite. Ici, on a plutôt une minorité qui doit arriver à convaincre la majorité qu'il y a un changement à opérer. Donc les stratégies à mettre en œuvre pour les minorités actives, comme dit Serge Moscovici, sont très différentes. Des stratégies majoritaires, et notamment il n'est peut-être pas si évident que ce qui est visible dans la stratégie, c'est ce que dit Serge Moscovici, en tout cas il dit que le visible est certes important, hein, le médiatique et ainsi de suite, mais l'influence des minorités actives en grande partie, ne se voit pas. Pourquoi elle ne se voit pas ? Parce qu'elle est dans les têtes. Et les têtes, effectivement, ce qui se passe au niveau des consciences est transcendant. Hein. Nous n'avons pas accès aux consciences des autres et nous ne savons pas jusqu'à quel point ils sont prêts à réagir à un événement qui pourrait se produire à un instant T ou un peu plus tard et qui ferait que, ben voilà, c'est un petit peu, là, je donne juste un exemple pour illustrer, c'est la chute du mur de Berlin, la révolution de 1789. Voilà, c'est des choses qui, hein, il y avait un historien, désolé, mais il y avait un historien en août 89 qui disait que l'URSS était parti encore pour durer des décennies. Bon, 3 mois plus tard, il n'y avait plus rien. Alors, c'est pour dire que ce qui est visible, parfois, n'est peut-être pas aussi important que ce qu'il n'est pas. Et qu'il n'est pas possible, ce que dit Moscovici, c'est que, c'est là où le principe espérance est très important, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire dans l'avenir. L'avenir reste incertain, il peut y avoir un changement du jour au lendemain, à très grande ampleur, qui n'est attendu par personne ou presque. Troisième point, c'est alors là, la nécessité des historiens, puisque vous avez vu, développement, modernité, tout ça, c'est aussi des périodes historiques. Donc à partir du moment où on réinterroge tout ça, on est en train de réautoriser un récit, c'est le récit qui explique nos origines. Donc on revient à cette question des causes aussi que j'ai abordée au début. Quel est cet homme qui dégrade la nature? Qu'est-ce que ça veut dire dégrader la nature? On est obligé de reprendre le grand récit fondateur des sociétés dans lesquelles nous sommes. Et c'est là où les travaux existants jusqu'à présent, bon, me semblent pas très rigoureux, hein, je pense. Jean-Baptiste Fresseau, par exemple, bon, est-ce que c'est vraiment l'écologisme, les risques industriels au 19e? Ça me semble pas évident. Est-ce que c'est simplement un problème de financiarisation? Ça me semble pas évident non plus. Bon, voilà. Pour faire l'histoire de l'écologie politique, il faut d'abord définir l'écologie politique, ce qui est en cours et pas encore achevé, et ensuite reprendre les grands récits fondateurs, j'y reviens encore, et les interroger sans qu'on puisse, je crois, aujourd'hui, savoir où est-ce qu'on ira quand on va faire ce travail-là. C'est-à-dire que c'est une œuvre collective et il n'y a pas véritablement aujourd'hui de manière de savoir à quoi on aboutirait. C'est une recherche complètement ouverte. Donc, en conclusion, je dirais que cette approche hein, que je vous ai proposée par la philosophie politique et sociale, donne à voir quelques aspects de la problématique qui est celle qui est traitée aujourd'hui, à savoir cette présence ou cette absence de l'écologie politique dans différents types d'espaces publics, que ce soit les médias, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les... Voilà. Il y a des déterminants philosophiques, politiques et sociaux sous-jacents que j'espère avoir en partie, éclairés. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, c'est l'heure, normalement, de la pause. Je vous propose de poser quand même d'abord des questions que vous auriez à poser à M. Fripeau pendant une petite dizaine de minutes, et puis on déclarera un petit peu la pause, si vous avez des questions. Moi, j'en aurai quelques-unes, mais je vais pas. M. Pondy. Oui, merci Fabrice pour un tour d'horizon, la plupart des idées autour de l'écologie. Alors, quand les sociologues comme moi, c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas du tout le temps de lire ce que tu as le temps de lire. On va lire des entretiens, on va lire d'autres choses, plus de la sociologie générale, etc. Donc, moi, j'ai pas le temps de lire tout ce que tu lis, mais c'est toujours très intéressant et important pour moi de t'écouter. Alors, du coup, c'est juste une question de demande de précision. Je suis pas certain d'avoir bien saisi ce dont tu parlais quand tu parlais de portée de l'écologisme. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que juste vraiment une demande de précision, de clarification? Merci. Oui. Donc, l'idée de la... Alors, pourquoi je parle de portée, c'est que quand on regarde les travaux de... Alors, c'est un débat qui est pas mal en rapport avec les sociologues, avec... j'ai pas mal discuté avec Lilian Mathieu, justement, là-dessus. C'est que leur approche, ça va être de dire qu'est-ce que c'est que l'écologisme aujourd'hui? Sous-entendu, qu'est-ce que c'est que l'écologisme hier? Puisqu'il s'agit d'étudier les mouvements écologistes tels qu'ils ont eu lieu et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on ne va pas s'interroger à ce qu'ils estiment ne pas avoir encore fait. Et ça, c'est la portée. Et c'est-à-dire qu'on peut interpréter, je ne sais pas, l'écologisme, je pense à Jacques Bidet, par exemple, parce qu'il y a un article qui est paru dans Actuel Marx, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, et Jacques Bidet m'a fait des remarques là-dessus. Et bon, son impression, c'est que l'écologisme a été intégré dans la réforme du capitalisme, en gros. Hein. Et je lui disais, ben non, en fait, si on regarde les résultats de l'écologisme ou de l'environnementalisme aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'imitation des pollutions, enfin tout ce que fait France Nature Environnement, et on ne va pas les lister, c'est réel, mais néanmoins il faut s'intéresser au discours. Est-ce qu'ils trouvent que c'est suffisant? Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont réglé le problème? Ben non, ils ne trouvent pas qu'ils ont réglé le problème. Donc la portée, elle se mesure par l'écart entre le réel accompli et puis l'idéal espéré. Or, il y a une partie de la sociologie qui ne s'intéresse pas aux idéaux, qui ne s'intéresse pas à ce qui est considéré comme philosophique, justement. C'est non mesurable, c'est trop subjectif, c'est... Voilà, donc c'est plus un problème, ce que je voulais pointer, c'est plus une invisibilisation du fait d'une méthode sociologique qui rend la chose non perceptible. Et c'est pour ça que Touraine, aujourd'hui en sociologie de l'écologie ou de l'environnement, reste un auteur central, parce que c'est un des rares auteurs en sociologie qui dit qu'il faut s'intéresser à la portée des mouvements, même si, effectivement, il y a un risque que le mouvement puisse se dire, je ne sais pas, révolutionnaire, alors qu'il ne l'est pas, il puisse rêver sur lui-même, bien entendu. Hein. Mais c'est quand même une dimension qui est importante dans l'analyse. Je ne sais pas si ça éclaire bien ce que... Juste pour revenir sur les critiques... Donc, voilà, je vois bien la critique faite aux sociologues de terrain, mais celle de Latour, je n'ai pas bien saisi que ce que tu lui reprochais. Juste avoir clarifié. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais... Bon, je lui reproche pas mal de choses, en fait. Hein, mais... mais pour aller rapidement, disons qu'il y avait un problème avec le concept de nature. Une espèce de truc énorme, globalisant, un peu assommant, et les gens ne savaient pas trop quoi faire. Donc Latour, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, c'est pas la peine de parler de la nature, on va parler des natures. Alors, ce qu'il y a, c'est des interactions locales, homme-nature, qui créent des hybrides. Donc les OGM, c'est des hybrides, et voilà. Alors c'est intéressant parce que ça rend la nature manipulable, on peut reconstruire comment l'OGM a été construit, comment... La nature, entre guillemets, réagit du point de vue de son agency, de sa résistance, de sa... C'est bien, mais on perd la nature quand même dans cette opération-là. Or, la nature, le concept de nature, demande à être travaillé pour lui-même. Et à partir du moment où on le travaille pour lui-même, on retombe d'une part sur ce côté structurant que met en évidence notamment Marie-Angèle Hermite que j'ai citée, du vivant, qui est un rapport, qui est un problème qu'elle classe comme étant quelque chose, une catégorie non moderne. Donc on ne le voit pas dans ce cas-là. Hein. On ne voit pas non plus que la nature renvoie à l'essence et à la question des identités. Et donc on ne voit pas comment travaille l'identité des écologistes au sein des autres identités déjà constituées, que sont notamment les grands courants idéologiques que sont le libéralisme et le socialisme. Voilà, c'est un reproche du même titre que celui que tu fais à Lilian Mathieu, en fait. Mais sur un autre C'est ça, oui, c'est d'une certaine manière. Voilà, il dissout les grandes questions philosophiques dans du localisme, d'une certaine manière. Voilà. Oui, enfin, je dirais pas. Non, parce que. C'est un terrain, une planète, ça marche. Non, parce qu'il y a des manières d'appréhender le terrain qui intègrent ces questions-là. Donc je ne dirais pas que c'est le terrain en lui-même, c'est une certaine interprétation du terrain plutôt. C'est plutôt ça. Parce que Touraine, par exemple, on fait des études de terrain. C'est une manière d'appréhender le terrain qui gomme les concepts que Finberg appelle macro-sociologiques. Il fait une critique, Finberg, là, qui vient de publier un livre en français sur une philosophie critique de la technique, fait à peu près la même critique que celle que je suis en train de faire. Il dit, sa manière de dire, c'est de dire que Latour dissout les concepts macro-sociologiques et donc du coup se génère et puis en plus il génère un ensemble de concepts propres, ça c'est une autre critique aussi, hein. Il génère un vocabulaire latourien propre et qui n'a dont les rapports avec les concepts macro-sociologiques, et donc c'est ça qui est important, et donc avec le sens commun. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on gomme le rapport avec le sens commun. Il reconstruit à partir de problèmes locaux tout un vocabulaire, hein, quasiment une encyclopédie, un dictionnaire latourien, dont on ne voit plus le rapport avec le sens commun. Et Alors après, bon, bah, ça génère tout un tas de problèmes. La tour ne se cite que lui-même, la tour ne discute avec personne. Ça génère une espèce disons, de sectarisme avec les latouriens, et puis les autres ne comprennent pas ce qu'on raconte les latouriens. Enfin, pour moi, c'est une manière d'ailleurs de pratiquer la science qui pose problème. Voilà. Au contraire, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir. Ça doit être réfutable d'une certaine manière. Je suis assez popérien dans le fond. Curieusement, peut-être, mais si. Il y a d'autres interventions ? Oui. Oui, vous avez indiqué à un moment que, en employant le terme d'enjeu, que ces enjeux n'étaient pas encore avérés. Enfin, par enjeu, vous voulez dire les catastrophes ou les gros problèmes. Je ne sais pas si vous faites votre cette idée ou si vous rapportez cet élément, mais enfin, je m'inscrirai un peu en faux parce que maintenant, la chose est quand même assez documentée avec quantité de rapports internationaux dans les diverses sphères, soit la biodiversité, la disparition de ceci ou de cela, etc., l'épuisement des ressources. Donc sans doute qu'il y en a-t-il encore à venir, mais il y en a une bonne partie qui est avérée et sur lequel on peut avoir un constat et discuter de ce qu'il faut faire. Ouais, je me suis peut-être mal fait comprendre. Ce que je voulais dire par là, c'était que nous ne sommes pas dans la situation, là, j'ai passé un an en Inde, nous ne sommes pas dans la situation des habitants de tel état indien où les industries extractives arrivent, chassent les habitants pour extraire des minéraux. On n'est pas dans cette situation-là. Nous avons, notamment en France, tout un tas de moyens de ne pas voir ce qui est en cours. Notamment le fait que la France se soit désindustrialisée, c'est une manière d'externaliser les coûts environnementaux et écologiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent, disons, être activement niées ou ne pas être vues, aussi parce que nous ne les expérimentons pas dans notre chair. C'est ça que je veux dire. Pas massivement, en tout cas. Regardez la différence avec les gaz de schiste. Là, les gaz de schiste, il suffit que les compagnies arrivent en Ardèche, et là, tout le monde, le niveau de connaissance sur l'énergie augmente d'un coup. Par contre, quand on fait un débat national sur l'énergie, bon, hein, on parle un peu de nucléaire, on ne parle pas du tout de fossiles, et puis ça se perd un peu, c'est... parce qu'on ne voit pas véritablement le problème. Il n'y a pas une actualité expérimentée dans la chair. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais dire qu'effectivement, il faut lire des rapports pour... faire l'expérience de tous ces problèmes à venir. Donc il y a une difficulté réelle, je pense, déjà sur le fond, c'est-à-dire quelles sont réellement ces difficultés, qu'est-ce que ça veut dire exactement ces difficultés. Il y a une difficulté d'interprétation, déjà, entre la version Yves Cochet, nous serons tous morts en 2020, et puis la version technologie de l'information, la technologie va nous sauver. Enfin, il y a une vraie difficulté pour savoir qui a raison dans l'histoire. Ici exagère énormément, mais il y a une vraie difficulté d'alphabétisation aussi. Voilà. Nous, on a vu ça quand on a fait notre étude, je ne veux pas être trop long, hein, sur les technologies de l'information verte. Les gens ne font pas le rapport entre leur appareil électronique et ce que ça peut provoquer comme consommation d'énergie. Ils ne le voient pas. Après, quand ils le voient, ils n'ont aucune idée de comment ça se produit, c'est le système technique et tout, on appuie, ça marche, voilà, ça télécharge, c'est très bien, c'est génial, et on voit que ça. Et en même temps, tout est fait pour qu'on ne voit que ça. Il y a un rapport du Conseil général des technologies de l'information qui dit, je vous cite de mémoire, mais c'est à peu près ça, qui dit que du fait de l'intérêt objectif des professionnels, il ne faut pas inquiéter la population. Donc il ne faut pas diffuser trop les consommations massives qui sont liées aux technologies de l'information. Ça serait pas bon pour le marché. C'est dit, c'est écrit. C'est-à-dire, donc à partir de là, c'est quand même un facteur important. Donc les gens consomment en toute... c'est Disneyland, hein, c'est des décors de carton-pâte. Toutes les inhibitions à la consommation sont levées massivement chaque jour. Donc, bon, évidemment, après, il n'y a pas d'information, mais... c'est normal, quelque part, il ne faut pas s'étonner du résultat. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais dire, ce n'est pas avéré, parce que au travers de tous ces filtres, il est assez difficile de se rendre compte véritablement de la situation. Il faut, c'est pour ça aussi que les écolos sont pénibles de temps en temps, c'est qu'ils nous assomment de rapports et de chiffres. Hein, toutes ces littératures grises qui constituent en fait l'essentiel de la littérature militante écolo, ce n'est pas les grands auteurs, Charbonneau, Ellul, c'est les kilowattheures, c'est les... donc qui est un peu, qui sont un peu assommants, effectivement. Donc il y a une grande difficulté là aussi, je pense, à arriver à faire en sorte qu'on comprenne les tenants et les aboutissants, les causes et les conséquences des sociétés, enfin, entre nos vies, lambda, et puis les conséquences que ça produit à l'échelle globale, à long terme. Et, voilà, c'est pas que les gens se désintéressent du long terme, je crois pas, tout le monde se projette dans le long terme. Après la question c'est comment on se projette dans le long terme. Mais alors pour revenir à la médiatisation, comment voyez-vous les choses? Parce qu'effectivement les gens ne sont pas informés, il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour l'être, ça voudrait dire implicitement que la médiatisation ne se fait pas ou n'est pas aboutie ou est insuffisante ou incomplète ou... Oui, bah, il suffit d'ouvrir. Allez, moi, ce que je fais quand je fais un cours sur d'introduction au développement durable aux étudiants, et je prends des journaux et je leur montre comment sont organisées les pages, et bon, tout le monde comprend très vite où est le problème. D'ailleurs, en gros, il y a 95%, on pourrait prendre les gratuits qu'on a le matin, ou on pourrait prendre Le Monde, il y a 95% qui dit il nous faut absolument de la croissance, sans croissance, on est tous morts, et voilà, et les triomphes de la technologie, et. Comment il s'appelle, dernièrement, là, un ancien directeur du Monde qui a fondé le site slate.fr, j'ai oublié son nom, Jean-Marie Colombani, qui disait que probablement avant 2050, tout sera fabriqué par des robots, même les robots eux-mêmes. Et, bon, quand, voilà, ça, c'est l'imaginaire qui est véhiculé en permanence. La technologie peut tout. Et après, il y a une page environnement, et dans la page environnement, c'est la chaise longue en carton recyclé. C'est ça en permanence. Et après, de temps en temps, il y a un article. Alors, quand on regarde sur la controverse sur le changement climatique, hein, Jean-Baptiste est mieux placé que moi pour en parler, mais quand on regarde la controverse sur le changement climatique, on voit qu'en plus, il y a un problème d'articulation science-expertise. C'est-à-dire que, le meilleur bouquin, je trouve, là-dessus, c'est celui de Sylvestre Huet, mais celui de Stéphane Foucard sur le populisme climatique, il est scientiste à fond. C'est-à-dire que. Le GIEC a dit, c'est la science. Moi, je pense que c'est une très mauvaise stratégie. Et le GIEC, c'est une instance d'expertise. Ce qui fait sa crédibilité, c'est la diversité des opinions qui sont dedans, c'est le fait que les rapports soient votés, c'est tout ça. C'est précisément parce que c'est pas de la science que c'est plus crédible. Dire que c'est la science, c'est quelque chose qui est pas convaincant parce qu'on se met sur le terrain de la science et le changement climatique, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'articles scientifiques. On trouvera toujours un sceptique. Toujours. Et puis c'est normal, c'est la science, alors là la toi est utile, c'est la science qui se fait. La différence entre la science qui se fait et la science faite. Dans le domaine de la science, il y a toujours des débats, il y a toujours des pour, des contre. Et... Voilà, l'expertise c'est autre chose. Et tant qu'on ne va pas clairement distinguer, c'est... Alors si elle ne va pas l'expertise, on la remet en cause. On dit bon, bah, c'est pas grave, on va faire un comité différent, et des jurys citoyens, mais il faut se baser sur le terrain de l'expertise. À partir du moment où on se base sur le terrain de la science, on a faux. Et les scientifiques du climat, c'est dommage pour eux, hein, mais ils n'ont pas compris ça pour la plupart. Hein. CF, la dernière présentation du dernier rapport du GIEC, ils sont, comme ils ont un peu peur de la sphère publique, ils disent qu'ils se réfugient dans le laboratoire. Voilà. Ça, c'est pire que tout, quelque part. Donc, voilà, on les accuse de confondre science et politique, ils ne savent pas quoi en faire. Et... Donc, c'est vrai que c'est... Enfin, je ne veux pas être trop long encore une fois, hein, mais... Si je vous comprends bien, vous reprochez aux écolos d'avoir le nez collé au guidon avec des chiffres, des choses, que ce soit le compost, les toilettes sèches, les chaises longues en carton, tout ce que vous voulez. Et donc, il n'y a plus ce recul comme il y a pu y avoir dans les années 30 avec Élule Charbonneau, puisque vous êtes philosophe. Et donc, c'est vrai qu'en matière d'écologie, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de grand texte, il n'y a pas de... C'est ça que vous regrettez. Et c'est ça qui fait que vous dites que c'est l'introuvable histoire, mais parce qu'effectivement, depuis Élule Charbonneau, qui était avant la guerre, surtout, mais après aussi... Il n'y a plus de textes, il n'y a plus de penseurs de l'écologie en France, même ailleurs. Je veux dire, c'est vrai que les communistes, les marxistes ont une Bible, Marx, ils ont, d'autres ont Freud, d'autres ont. Bon, et pour l'écologie, il n'y a rien. C'est ça que vous. Alors reprochez. Moi, je ne reproche rien à personne. Hein. Non, mais. Attention. Vous dites que les écolos ont quand même trop le nez. Moi, je trouve plutôt. C'est plutôt l'inverse, hein, je trouve. Non, il y a quand même beaucoup de monde, enfin, ça se bouscule au portant. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt trop que pas assez. C'est pas un texte fondateur. Ce sont des intervenants. Mais... C'est vrai que du coup, c'est touffu. Et ça, c'est une autre difficulté. C'est que bon, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire le travail que j'ai fait là, dans le bouquin Nature et politique, qui est d'essayer de disons, je ne tranche rien du tout, c'est juste d'essayer d'organiser les débats pour savoir où on est. Parce que ceux qui s'intéressent à la question, ils mettent le petit doigt et puis ils sont absorbés dans une espèce d'océan d'auteurs dont en fait on se dit mais on voit bien qu'il y a une cohérence au moment. Mais alors d'une part c'est des auteurs qui sont pour la plupart pas académiques, donc ils sont même Moscovici quand il écrit sur l'écologie politique, c'est pas dans sa discipline, donc il tient pas compte des catégories existantes, il tient pas compte de ce, disons ce que par exemple la philosophie politique et sociale considère comme étant les grands repères. Donc c'est des textes qui sont un peu inclassables, on sait pas quoi en faire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail-là, justement, de retisser les liens entre tous ces textes de l'écologie politique et les catégories classiques, de manière à savoir, ça ne résout rien encore une fois, hein, mais ça fait une espèce de cartographie pour savoir où on est. C'est déjà quelque chose. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Avec la lisibilité, évidemment, perd à partir du moment où on n'a pas un auteur, mais plutôt, on va dire, au bas mot, sans auteur, enfin, au moins sans bouquin, il faut dire au moins sans bouquin pour... Oui, mais qui sont chaque fois sur... qui portent sur un aspect de la chose, alors que ouais, les Marx, Freud, et, vous l'avez expliqué, toute la globalité de l'homme par une théorie qui, effectivement, est fondatrice pour un certain nombre de gens. Alors que chez nous, bon, ben, il peut y avoir des gens qui sont pour Illich, pour ceci, pour cela, mais Illich n'aborde pas tout, hein, et... Edgar Morin, il papillonne, il a commencé avec la Californie en 71, alors il a vu les hippies, machin, puis, mais il n'y a pas de continuité, à chaque fois, c'est des aspects... Je vous propose de continuer cette discussion dans la pause café que en 10 minutes, on reprend à 11h15. Merci beaucoup encore à Monsieur Mondeau. Merci à vous. Et,